Il y a un micro-baladeur pour les questions pour qu'elles puissent être enregistrées. Si. Je veux bien me lancer pour la première question, comme ça sera pas forcément la plus intéressante, mais au moins ça sera la première. Je me demandais comment on gérait les questions d'évolution, de structuration. Et je pensais à un exemple simple sur les données que vous présentiez tout à l'heure pour définir un locuteur, une personne. Si je prends l'exemple des catégories socio-professionnelles, il y a une nomenclature, une classification qui existe et qui évolue. Et qui change même de structure pour ce que j'en connais. Comment on peut gérer ces changements, voire ces bouleversements à la fois de par exemple quelqu'un qui était classé, qui avait un codage de catégories socio-professionnelles qui existe dans les années 60, 80 et qui est différente en 2000 parce que la nomenclature elle-même a changé. Ok. Très bien, c'est joli comme question, merci. En effet, c'est pour cela que tous les éléments qui servent à décrire les personnes sont datables. Okay. Prenons par exemple, je prends votre exemple. Dans le système de classement socio-économique des années 60, j'avais le code X, ok. Maintenant, j'ai changé de travail. Il y a deux possibilités de changement. Ou bien c'est le code qui a changé, ou bien c'est moi qui a changé. Si moi, j'ai changé de boulot, c'est simple. J'ai un nouveau boulot. Mon nouveau boulot a une autre classification selon le même système de classification. Mais je pense que ce n'est pas le cas que vous avez en tête. Vous avez plutôt en tête le fait que le boulot n'a pas changé, mais on le traite d'une autre manière. C'est ça ? D'accord. Alors, vous avez la possibilité de dire, OK, en l'an 60, on le traite selon ce code. Donc, on précise le code qui s'applique à cette occupation dans cette période-là. On peut également ajouter encore une occupation avec un autre code, système de code. D'accord ? Je prends un autre exemple, pareil. À mon avis, c'est pareil. Peut-être, si vous voulez discuter, vous pouvez. C'est le nom des lieux. À l'époque ancienne, il y avait une ville en France qui s'appelait Lugdunum, en latin. C'est le même lieu que Lyon, mais le nom a changé dans le temps. Alors, on peut donner dans la description de cet endroit, on va donner les deux noms, en précisant le temps, la période classique où il était appelé de cette manière et la manière où il a été appelé après. Pareillement pour les changements de nom personnel, etc. OK ? D'autres questions ? D'autres remarques ? Je ne vous vois pas très bien. Tout le monde est endormi, très bien. Ah, toi, tu es là, ouais. Oui. Oui. Moi, une chose qui m'intéresse, peut-être parce que ça fait assez longtemps que je m'intéresse à la TEI, mais je m'y suis intéressé de façon plus nette sur le plan technique en me lançant dans des petits corpus. Enfin, dans des projets par rapport à des corpus, c'est comment c'est que effectivement, je comprends pourquoi quand on va sur le site de la TEI, on ne nous parle pas spécifiquement des outils. Il y a des petites passerelles pour aller vers les outils, mais de temps en temps, on aimerait bien voir les outils que vous préconisez. Alors, est-ce que vous avez quelques idées là-dessus ? Et puis, par exemple, j'ai vu dans un forum que vous disiez que la plateforme Omeka, par exemple, pouvait prendre en compte la TEI. Alors, j'aimerais quelques petites précisions sur ces choses. C'est la question 100 000 dollars sur la TEI, c'est où sont les outils ? On pose cette question depuis 30 ans et la réponse est toujours pareille. Ils sont partout. Le problème, c'est que la TEI se base sur un standard, disons, industriel, XML. Donc, n'importe quelle application XML peut se servir de la TEI. Mais il faut les construire. Et moi, j'ai des collègues dans la TEI qui ne sont pas de mon avis. Mais mon avis, c'est que si on prétend définir un standard, on ne peut pas en même temps définir les outils qui peuvent profiter de cela. Et moi, je suis convaincu que ce n'est pas possible de faire les deux choses en même temps. Et je vois des exemples des gens qui essayent de le faire avec des conséquences désastreuses. Je pense, oui, monsieur Microsoft, c'est vous que j'ai dans l'œil. Oui, tu as raison, Henri, tu as évoqué le cas courant de Omeka. Et également, il y a un autre logiciel très répandu dans le monde de gestion de web récent. J'ai perdu le nom, c'est pas grave. Mais ce sont des outils très génériques. Donc, pour en profiter dans une domaine TEI, il faut faire des personnalisations de ces outils. Et ça change. À un moment donné, c'est Omeka. Il y a 10 ans, c'était je ne sais quoi, c'était quelque chose d'autre. Dans 10 ans, il y aura un autre. Et dans tous ces cas-là, c'est ça l'objectif de se baser sur les standards, c'est de profiter des faits qu'on sait, on exprime en théorie ce qui est important. Après cela, on va le traiter avec les outils qui savent gérer le XML. Ça, c'est ma position. Pour être clair, je devrais ajouter j'ai des collègues qui disent « Oh oui, mais toi, tu es idéaliste, tu es un vieux hippie, il faut changer maintenant, il faut dire que finalement, au fin de compte, les gens veulent un système packagé complet qu'on peut mettre sur un iPhone qui marche. Okay? » Et là, j'attends les évolutions des développeurs qui prendront en compte le fait qu'il y a une grande quantité de textes XML TEI qui existent dans le monde. Et c'est mieux de faire marcher leurs outils avec ça que de le laisser tomber. Et je peux citer, par exemple, on est en train de discuter avec Google, par exemple, l'idée que ça serait très, très utile d'avoir la possibilité. Vous vous servez de Google Docs, d'accord ? Oui, tout le monde connaît Google Docs. C'est une manière de partager des documents sur le web. Et ça se sert de plusieurs formats, mais pas de TEI jusqu'à là. Mais on est en train de proposer qu'un format d'export très intéressant et d'import serait une version TEI très simple. OK ? Et ça, c'est une bonne manière, à mon avis, de procéder. La TEI, ce n'est pas une maison d'édition de software. Pas du tout. D'autres remarques ? C'était la réponse que j'attendais de toi. Oui, je suis un peu prédictable. Je voulais savoir quelles étaient les évolutions de la TEI par rapport au web des données et à des langues, par rapport au web 3.0, le web sémantique, comment la TEI évoluait par rapport au niveau standard de structuration des données dans ce contexte. Ça, c'était un grand problème. Non, ce n'est pas un problème, c'est une question. Le problème, c'est que je dois avouer mon ignorance là. Je connais qu'il y a des gens qui travaillent dans ce domaine. Je sais très bien qu'il y a un groupe de travail, la TEI évolue avec ce qu'on appelle des SIG, Special Interest Group, qui sont des experts dans un domaine spécifique. Mon collègue Sébastien Noratz à Oxford travaille très nettement avec une groupe de travail sur exactement ce problème de point de vue de, d'exprimer le modèle conceptuel de la TEI en web sémantique. Donc, il y a déjà une proposition basée sur CDoc. Je ne sais pas si vous connaissez CDoc. C'est un modèle conceptuel, on me dit, qui existe, qui a été exprimé en RDF. Donc, on peut... Et ce groupe de travail a proposé une traduction de toutes les balises TEI dans ce format. Et... sans entrer dans beaucoup de détails techniques, je ne peux pas dire grand-chose à part cela. Donc, c'est en train. c'est peut-être pas la réponse que vous avez voulu. Non, ça me convient. Alors, je vais me lancer pour une autre question. Oui, oui. J'attendais ça de toi. Je vais me lancer pour une autre question. Bon, j'ai quelques idées sur la réponse, mais si tu as un speech vocal, tu as un corpus oral au hasard en anglais, et tu en fais une transcription anglaise. Et tu veux aussi synchroniser la traduction française, une traduction française de cette transcription. C'est complètement transparent. C'est-à-dire que tu vas mettre comment tu vas faire cet autre chevauchement de la traduction parallèle. Je n'ai pas bien compris l'état. J'ai un discours en anglais qui est transcrit. Chose. Parce que ça, c'est un peu trop facile. Alors, je vais prendre un peu trop facile. C'est un peu trop simpliste rapport à ma question. Je vais prendre un cas réel. Tu as un discours en kabyle. Ce discours en kabyle est transcrit en kabyle. Il peut y avoir d'ailleurs des variantes. C'est un parler kabyle très spécifique et... Comme tu dis, tu peux faire des raccordements pour certains mots pour dire que c'est pas about, mais que c'est about, parce qu'il y aura des variantes de parler. Et puis, beaucoup de personnes s'intéressant à l'ethno-linguistique de l'Afrique du Nord vont s'intéresser à ça, mais ils seraient intéressés par avoir une traduction française qui est attachée à cette chose-là. C'est un cas concret. Kabyle, c'est une langue ? Je connais pas. Kabyle, c'est une des langues berbères. D'accord. C'est ce qui se passe autour de Tizi Ouzou. D'accord. Alors, je ne vois pas qu'il y a un cas spécifique là. On a un texte enregistré en oral. On a un discours qui a été fait enregistré. Et on a une transcription. OK ? Ensuite, on veut faire la traduction de cette transcription. C'est ça ? Ben oui, c'est facile. Alors, on a en quelque sorte, on a deux transcriptions, disons. Et on peut les aligner, l'une transcription avec l'autre. C'est le cas le plus onné. Hein, à dire, OK, j'ai pas traduit l'oral, j'ai traduit la transcription. Donc, j'ai fait la liaison entre les deux. Avec des pointeurs. Bien sûr, si vous avez fait le travail de synchroniser la transcription en kabyle avec l'oral, il va de ça que vous avez fait une liaison avec la traduction également. Oui. Oui, oui. Et ça se passe. Hein. Je donne un cas concret où il ne s'agit pas de l'oral, mais si vous regardez dans les sources des TEI Guidelines, vous allez voir que la description de tous les éléments est présentée en plusieurs langues, qui sont donc liés par le fait qu'ils sont regroupés l'un, l'un après l'autre. Mais ils sont en effet liés avec un système de traduction. Oui. Ah, c'est défendu, monsieur. C'est défendu. Pour traiter l'oral. Vous m'entendez ? Que ça soit CLAN, que ça soit Xeralda, que ça soit Transcriber, etc. Tu vas tout pouvoir coder en TEI très facilement et tout cela sera totalement incompatible. Tu n'auras pas. J'écoute pas, j'entends pas. Tu peux tout convertir en TEI. Oui. Ce que fait Transcriber, ce que fait Elan, ce que fait CLAN, etc. Une fois que tu auras fait tout ton travail comme ça, ça sera totalement incompatible. Parce que les uns ont utilisé des encres, les autres ont utilisé des timelines, les autres auront fait tel truc, tel truc, tel truc. Quand tu... Déjà, par exemple, pour les métadonnées, on a un petit standard du Blinkor qui a 15 marqueurs. Les gens ont déjà du mal à les coder correctement. Donc, tu as vraiment le problème qu'une vraie norme, pour moi, la TEI n'est pas une norme du tout, en tout cas pour l'oral, aujourd'hui, une vraie norme, c'est quelque chose qui représente, on va dire, une vertèbre minimum et obligatoire que tout le monde respecte, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Donc la question que je voulais simplement poser est la suivante, c'est qu'est-ce que toi tu vois d'un point de vue politique, je dirais, de la communauté, du fonctionnement, etc., qui pourrait amener à faire ça ? C'est-à-dire qu'on peut, il y a plein de solutions possibles, il y a la solution de dire... Bon, bah, y a un petit standard de fait qui s'est créé autour d'un codage et d'un logiciel que tout le monde suit et tout le monde se débrouille pour être plus ou moins compatible avec ce BINS. C'est souvent comme ça que les choses un peu se normalisent un jour ou l'autre. Ça peut être une réflexion de la communauté qui décide de quelles sont les décisions minimales qu'on va faire et tout le monde, tout logiciel doit être capable de respecter ces décisions-là. Et s'ils font en plus, ça ne doit pas devenir incompatible avec le reste. Il y a plein de façons de faire. Mais aujourd'hui, c'est à faire, à mon avis. Donc, la richesse même du codage TEI est presque un obstacle, en fait, à ce problème. C'est un bon obstacle, hein, mais c'est un problème. Merci, Christophe. Oui, ça, c'est l'autre question, 200 000 dollars. Il y a au moins deux. Je pense, je ne vais pas te répondre directement, mais je vais citer un autre cas très pareil. Dans la production des numérisations des fonds bibliothécaires aux États-Unis, qui se fait maintenant depuis des années, il y a beaucoup de collections des livres imprimés dans des périodes historiques qui ont été, soi-disant, encodés en TEI. D'accord ? À l'université de Virginie, à l'université de Indiana, à l'université de Michigan, partout. Mm-hmm. Et il y avait un projet il y a quelques ans qui s'est dit « Ah, c'est merveilleux, on peut mettre toutes ces transcriptions, tous ces encodages TEI ensemble et avoir un grand corpus de livres imprimés, de traités vraiment, de les faire ensemble. » Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? Juste comme tu viens de dire, il y a des divergences entre l'application de la TEI dans tous ces projets. C'est l'autre face de la pièce de la TEI, c'est qu'elle essaie de répondre à tout besoin en disant « Ok, ça c'est permis, si vous voulez faire comme ça, c'est à vous de décider. » D'accord ? Et va de ça que ce n'est pas un norme dans le sens restrictif de norme. C'est un norme dans le sens de si vous voulez faire ainsi, voilà la manière recommandée de le faire. Mais ne vous dit pas, il faut refaire. Et je ne vois pas d'autre manière de procéder que de donner cette liberté aux intellectuels, aux scientifiques, de faire le propre choix de l'encodage. Ok. Pour répondre plus précisément à ta question, à mon avis, oui, un bon démarche serait en effet ce que nos collègues américains ont proposé, ce qu'ils ont fait dans le cas spécifique, c'était ils ont identifié un sous-ensemble qui était présent partout. Et ils ont dit, OK, ça, on garantit dans tous les textes, on va les convertir, si nécessaire, à faire ce petit ensemble de distinctions de la même manière, d'une manière donc cohérente. S'il y a d'autres aspects d'encodage, ils peuvent rester là parce que les logiciels qu'on va élaborer vont les ignorer. Okay ? Ils ne vont pas les prendre en compte. Mais la partie essentielle est définie comme cela. Alors, c'est une partie... tu as cité le cas de Dublin Core. Alors, dans Dublin Core, vous avez 15 distinctions. Je pense que dans le TEI qu'ils ont proposé à présent, dans le projet Monk, qui s'appelle Monk, il y a à peu près 20 balises. 20 ou 30, je ne suis pas sûr. Okay. Est-ce que c'est une réponse ? Oui. De savoir si la communauté aujourd'hui est mûre pour, on va dire, se mettre d'accord sur cette chose-là. Oui, et la réponse à ce défi sera quel sera l'avantage. Et moi, j'ai été très impressionné par le discours de Schmitt qui dit que maintenant, c'est le bon moment, maintenant qu'on est dans une période où tout le monde parle des infrastructures de recherche, que tout le monde connaît tout de suite qu'il y a des grands projets de numérisation, il y a des grandes possibilités de mettre ensemble ces ressources numérisées qui existent. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Je suis d'accord avec toi, mais quand tu regardes encore au détail aujourd'hui ce qui se lance comme projet de numérisation, on stocke, mais on ne parle pas encore bien de la manière dont on va pouvoir accéder à ce qui est stocké. Je connais plusieurs projets existants en France où tu vas disposer d'une quinzaine, 10, 20, on va dire 100, 150 corpus, lesquels il y a très peu de corpus qui sont dans les mêmes formats. Et donc, en fait, tu peux récupérer des données, mais n'empêche que tu as tout le travail, le même qu'il y aurait il y a 10 ans, sauf qu'il y a 10 ans, tu les aurais récupérés avec un DVD ou avec une bande pour de travail. Le travail de... Donc, quand on met quelque chose dans une base de données, qui va l'utiliser, comment et par quels moyens, est encore relativement nouveau, mais je pense que ça va bientôt se généraliser. Je pense que monsieur a une réponse. Vous allez faire une remarque à ça, oui. Si vous le permettez, je prends part au débat pour citer quand même un cas que Christophe connaît qui est celui d'un petit exemple qu'on connaît à la DGLFLF sur le programme Corpus de la Parole, où on a réussi simplement sur ce sous-ensemble dont vous parlez, c'est en Dublin Core, ça peut être très facilement en TEI, c'est pas un problème sur cet aspect-là, à mettre plusieurs dizaines de corpus de projets différents dans plus de 40 langues différentes, donc et de dizaines sur ce principe-là. Donc il y a des expériences qui existent. Comme ça, actuellement, il y en a d'autres aussi, mais il y a des expériences qui existent et qui montrent qu'à mon avis, si je peux me permettre cette évaluation-là, la communauté est effectivement mûre pour le faire. On est plutôt confronté actuellement à un problème d'infrastructure et c'est plutôt les décisions politiques qui sont pas totalement mûres. Si on peut ici à la BNF consulter autant d'ouvrages, c'est parce que ça existe. On n'a pas encore forcément la réponse au niveau institutionnel qui permette à la communauté de se développer aussi bien et de voir apparaître dans un second temps toutes les discussions qui sont technico-scientifiques intéressantes qui apparaissent par la suite en voyant les différences, les problèmes qui vont apparaître, etc. Mais sur ce premier aspect, il y a des exemples qui prouvent une maturité et un travail fait par pas mal de personnes sur cet aspect-là. Oui, mais moi, je dirais que je mettrais plus de crédit que ce que tu veux dire. C'est-à-dire que l'exemple que tu donnes, il existe parce que toi, tu as fait ce qu'il fallait. L'exemple que tu donnes, il existe, mais c'est parce que toi, tu as fait le travail. C'est pas parce que la communauté l'a fait. Tu fournis un bon exemple de ce qui devrait exister, et ce qui devrait être. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été fait par un groupe, ça a été fait par votre groupe qui a fait un bon travail, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est débattu entre des groupes différents et qui est vraiment... C'est quelque chose que je pense qui va se faire très rapidement dans les quelques années qui viennent, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est lancé. Vous êtes le prototype ou l'exemple de ce qu'il faut faire, mais vous l'avez fait en indépendant, sans en faire référence à tout le monde. Et je pense que vous n'auriez pas pu faire autrement. Hein. C'est logique que vous l'ayez fait comme ça au moment où vous l'avez fait. Et il faut le généraliser, par contre. Bon... Non, non, je n'ai pas grand-chose à dire là. C'est une discussion en famille, ça. Hein, mais je constate simplement qu'il doit y avoir toujours des pionniers. Ça rebondit un petit peu sur ce débat mais entre Christophe et Olivier, mais par un autre biais. Je partirai de à la fois... Mon expérience, peut-être vous connaissez le corpus qui s'appelle Phonologie du français contemporain. On est à peu près 1 million de mots maintenant. Aligné sous Pratt, est TEI compatible avec une version peut-être un peu faible de la TEI. Mais je viens de soumettre un projet européen pour Spark. On défend... une idée un petit peu différente, mais qui va tout à fait dans la logique de ce que vous avez présenté. Dans ce que vous avez présenté de façon générale dans la TEI, il me semble qu'il y a une tension entre deux choses contradictoires. D'une part, la description. La structuration des données, c'est entre les deux. Mais d'une part, une description la plus précise, j'allais dire la plus exhaustive possible. Et d'un certain point de vue, on est du côté de la consistance, comme dit l'autre. Et c'est sans doute quelque chose qui est inaccessible. Pourquoi ? Parce que toute description est orientée par la théorie, et dès qu'on est theory-oriented et qu'on change de théorie, en fait, on ne peut pas réutiliser. Et de l'autre point de la tension, et celle-là m'intéresse beaucoup plus, c'est qu'un enrichissement des données ne sert pas à donner une description exhaustive des données, mais sert à un moteur de recherche qui permet de pointer sur les zones qui sont intéressantes, étant donné l'hypothèse qu'on fait et qu'on va à ce moment-là recoder dans une théorie spécifique. C'est exactement comme ça que fonctionne PFC. PFC n'enrichit pas complètement. Comme je dis toujours, c'est le travail à moitié fait, mais permet de brancher un moteur de recherche en disant, si vous vous intéressez aux voyelles moyennes, on va vous donner tous les lieux où possiblement il y a des voyelles moyennes. Après, vous allez, puisque vous êtes aligné sur le signal, vous allez pouvoir recoder dans votre cadre théorique et avoir des données quantitatives. En d'autres termes, on ne va pas vous proposer un enrichissement avec une vue complète et consistante de toute la phonologie du français sur 1 million de mots, parce que c'est impossible à faire. Mais on va mettre l'accent, donc, pas sur la description, mais sur la capacité de brancher des moteurs de recherche de plus en plus précis pour pouvoir vous positionner sur les lieux qui, en principe, devraient pouvoir vous intéresser. Si vous vous intéressez à la liaison, regardez ces 47 000 contextes. Ok ? Donc, il y a une tension entre les deux, entre l'exhaustivité de la description, qui est sans doute inaccessible, et la consistance d'une description très, très minimale, mais qui a comme fonction non pas de faire le travail, mais uniquement de fournir la base d'un moteur de recherche extrêmement élaboré. Et ça, c'est consistant avec Web 3.0 et avec toute la stratégie XML et post-XML, de dire ce qui est important maintenant, c'est les moteurs de navigation et les moteurs de recherche, et pas de fournir une description exhaustive. OK. Je voudrais peut-être questionner votre usage de, du terme description. Qu'est-ce que ça veut dire description complète, à votre avis? Si j'ai bien compris, vous la proposez comme un idéal platoniste de décrire tout ce qu'il faut dire sur un sujet, etc. Et ça, c'est un enjeu tout à fait quichotique. Là, on est d'accord. Okay? Par contre, moi, je me sers de la terme description pour dire, pour signifier plutôt les choses que quelqu'un croit être important à un moment donné. D'accord? Alors, ce qui m'intéresse avec le procédure de numérisation qu'on fait avec la TEI ou avec n'importe quel autre système, c'est que ça nous donne la possibilité de contrôler la manière où les gens décrivent les choses dans le temps. Donc, je suis tout à fait de votre avis que l'intérêt de vos corpus, c'est de voir, OK, il y a un phénomène, vous avez cité le liaison, d'accord, dans le français oral, c'est très intéressant, où les gens font un liaison ou où ils ne font pas. Et le problème, c'est que si vous mettez deux linguistes dans la salle et vous les invitez à définir ce que c'est que le liaison, vous aurez au moins trois réponses. Donc, ce n'est pas évident comment faire une comparaison automatique dans un corpus. Et tout ce qu'on peut faire dans cette situation, c'est de dire, OK, voilà ce que lui, il appelle un liaison. Voilà ce que la plupart du monde appelle un liaison. Peut-être que ce n'est pas clair, peut-être que ce n'est pas fondé sur une belle théorie, mais en pratique, c'est comme ça qu'on appelle le liaison. Et le corpus sert à objectifier, à identifier les choses qui sont traitées de cette manière. Est-ce que je m'exprime clairement? Oui, mais moi, je suis encore moins exigeant que vous. Parce que je pense effectivement qu'il y aura, s'il y a deux linguistes, il y aura trois définitions de la liaison. Mais je pense surtout qu'on n'a pas à comparer automatiquement l'analyse de ces deux linguistes qui ont chacun trois théories de la liaison. Ça, c'est le travail scientifique. On lit les papiers de l'un, on lit les papiers de l'autre, on regarde les corpus de l'un, on regarde les corpus de l'autre. C'est le travail de l'évaluation scientifique. Ce n'est pas le corpus qui fait ça. Donc moi, je suis encore moins exigeant pour le corpus. Pour moi, le corpus, il doit juste permettre à l'un et à l'autre, donc l'un a telle définition, il dit, avec ma définition, donne-moi tous les contextes où possiblement je peux trouver ça. Avec ma définition, donne-moi tous les contextes où possiblement je peux trouver ça. Et c'est quoi la transcription? C'est extrêmement simple. Pour un phonologue du français, qui sait qu'il y a, comme ça rappellera le souvenir à Gabriel, il y a quatre phénomènes de phonologie du français, disait André Martinet. Il n'y en a pas 50 000, il y en a quatre. Bon, et les autres sont marginaux. La transcription orthographique est suffisante. Je veux dire, de remonter en phonologie du français, on remonte toujours de la transcription orthographique au phénomène avec un tout petit peu d'analyse. Et là, on a un recodage. À ce moment-là, chaque analyse propose son codage. Et on arrive à cette question que vous avez abordée, où là, je suis d'accord avec vous, qui était reprise par Christophe. Comment on stocke les codages différents d'acteurs, de chercheurs différents, et on les rend non pas compatibles, mais lisibles de façon parallèle pour voir les différences dans les corpus? Ça, c'est une autre question que d'obtenir une description. Je crois qu'on est presque d'accord. Oui, oui. Oui, oui. Non. Vous l'avez exprimé très clairement. Merci. Oui, après toutes ces questions à 100 000 dollars, moi j'en ai une à 8 euros, ça fait à peu près 10 dollars. C'est sur la façon dont on utilise, dont vous produisez les balises sur lesquelles vous avez été, alors là pour le coup descriptif, c'est-à-dire vous avez dit voilà, avec cette balise on va décrire tel phénomène. En même temps, c'est plutôt une question presque d'épistémologie, on a l'impression que ces balises décrivent des choses objectivement très hétérogènes, qui ne se situent pas du tout au même endroit dans le type de travail qu'on peut être amené à faire. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut avoir un coût de de réduire à une sorte de dénominateur commun des données qui vont par ailleurs poser la question de qu'est-ce que vous mettez dans les métadonnées, qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur de la transcription. On a l'impression qu'il y a des phénomènes qu'on pourrait après tout passer d'un côté ou de l'autre. Par exemple, mettre directement dans les métadonnées, dire aucun élément étranger ne sera présent dans les transcriptions et on ne va même plus les coder au moment de la transcription en disant ben ça, on ne s'en occupe pas puisqu'on a dit qu'on ne le faisait pas. Et la question qui, pour moi, est sous-jacente à celle-ci, qu'on pourrait représenter autrement aussi, c'est est-ce qu'il y a finalement, dans cet ensemble de balises choisies, d'éléments d'annotation, est-ce que vous auriez, à part une forme descriptive, est-ce que pour vous, il y a une hiérarchie à établir? Et je dis ça parce qu'on se pose tous, dès qu'on fait de la transcription, la question jusqu'où on va dans la transcription, jusqu'à quel point on va rentrer dans le détail, et est-ce que vos balises, certaines ne sont pas, je dirais, pour aller vite, de rang 1, c'est-à-dire qu'il faudra toujours qu'on les ait, quelle que soit la transcription, et puis il y aurait des balises de rang 2 ou 3 qui seraient plus facultatives. Ça, c'est une question difficile. Hein. Mais pas cher. oui. Je peux parler de mes propres expériences ou je peux parler des projets que je connais. De mes propres expériences d'abord, dans le British National Corpus, on a fait le travail de transcrire 10 millions de mots oraux sur la base des textes. C'était un projet très pionnier. On a fait beaucoup d'erreurs. Mais l'une des erreurs qu'on avait fait, c'était de vouloir baliser presque tout. Tout ce qu'on a identifié, tout le bilan qui était là. Et pourquoi c'était une erreur? C'était parce que c'était impossible à l'époque de contrôler la cohérence du balisage. Donc, il est arrivé qu'il y avait des choses qui étaient vraiment des kinésiques, qui étaient balisées comme event, et l'inverse, par exemple. Également, on a mis beaucoup, beaucoup d'efforts pour encoder les chevauchements des orales, des énoncés. Et finalement, personne n'a jamais utilisé cela. Bon, ce qui est vraiment bizarre dans 30 ans mais beaucoup de temps d'exploitation de British National Corpus, tous ces travaux étaient nuls. Sauf de l'intérêt de point de vue technique, comment on codait ces choses. Donc je suis d'accord avec vous que le plus important, c'est de décider en avance quels seraient les objectifs de cet encodage. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Et ça ramène à la proposition de Christophe, ce qui était vraiment intéressant, c'est-à-dire de proposer un sous-ensemble des objets où on peut se mettre d'accord. Tout cela, c'est important, c'est intéressant pour n'importe qui. On peut l'enrichir. Je prends un cas concret. Je propose que identifier les énoncés, les distinguer l'un de l'autre, c'est essentiel. D'accord ? Je propose également que identifier les phénomènes non lexicaux, que l'on les décrive ou que l'on signale leur présence, peu importe pour moi, mais les distinguer des objets, des autres objets dans une communication orale est essentiel. Et on peut continuer comme ça. Je peux poursuivre. Je trouve que c'est une idée très importante d'avoir... Nous, on a construit PFC comme ça. On a un niveau zéro. Donc, les 75 chercheurs qui travaillent dans PFC sont obligés de faire le niveau zéro. Après, chacun ajoute les niveaux qu'il veut, 1, 2, 3, jusqu'au niveau personnel. Et donc, définir une sorte de niveau zéro de la TEI qui serait partagé par l'ensemble de la communauté, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Moi, à partir de ce moment-là, je vous pose une question, peut-être que vous avez la réponse, peut-être pas. Combien ça coûte? Il y a à peu près une douzaine d'années, dans les communautés, dans les comités européens qui évaluaient ce genre de choses, c'était toujours repris par Claire Blanche-Mavéniste. On disait, avec donc des systèmes beaucoup plus primitifs que même une TEI niveau zéro, ça coûte 1 euro du mot. Et aujourd'hui, une TEI, disons, moyenne, niveau zéro, un codage, combien ça coûte? Est-ce que vous savez? J'ai aucune idée. Aucune idée. Mais ça dépend beaucoup de technologies qu'on applique. Mais je ne suis pas d'accord avec ce... Bon. Revenons sur cette idée de définir le level zéro, comme tu dis. Il existe déjà des quantités énormes de transcriptions qui sont tous différents. Alors, pour moi, l'objectif de ce niveau zéro serait d'identifier un niveau d'encodage comme cible, ciblé, qu'on pourrait cibler pour toutes ces versions. Donc, ce n'est pas une question de partir à zéro. C'est simplement d'identifier comment traduire les transcriptions existantes en garantissant qu'il n'y a pas une perte d'information à ce niveau. On ne peut pas garantir de maintenir dans la traduction TEI toutes les variations possibles dans les formats originels, mais on peut garantir, par exemple, de traduire exactement et correctement ce minimum sous-ensemble. Et ça ne coûtera pas cher. Traduction entre formats, ça, on connaît. Hein. Trop. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, éventuellement. Non. Gabriel, un mot de conclusion. Merci beaucoup. Merci de cette opportunité. Merci à vous. Donc pour la technique, on va rester 10 minutes avec Lou Bonnard supplémentaire. Enfin, pour ceux qui voudraient continuer la discussion, on va vous demander peut-être de se retrouver dans le foyer du petit auditorium. Et puis on va garder 5-10 minutes Lou Bonnard pour une petite interview par Gabriel. Donc on... Thank you.